Et vous ne pouvez pas nous resituer à quelle époque, par exemple, on a commencé à voir dans les pâtisseries les bûches de Noël ou les trucs comme ça? Ah non. Ce qu'il y avait, c'était d'abord, je me rappelle, étant gosse, on mettait le sabot. Sabot de Noël. Un chocolat? Un chocolat. Un vitrine. Ah. Oui, sabot, un chocolat. Oui, parce qu'on dans mettait... Dans les pâtisseries, alors. Oui, parce qu'on mettait le soulier, le sabot dans la cheminée. Après, alors, il y avait des sabots en chocolat. Et ça, ça existait dans votre enfance, ça? Ah, ça, je me rappelle, avoir vu dans la vitrine, oui, des sabots. Donc, c'était entre 1920 et 1930. Ah bon. Bon. Et les bûches, c'est beaucoup plus récent. Les bûches, ah, moi, je n'avais pas connu les bûches, oui. C'est maintenant, c'est, d'accord, ça oui. Ça a une vingtaine d'années, ah, oui, pas, alors... Je c'est répandu partout, maintenant. Non, oui, mais parce qu'on a un codec dans tous les magasins, oui. Oui, puis même dans tous les départements, aussi, maintenant, oui, maintenant, oui, oui, c'est la France. Bon, le... maintenant, alors, ce... en dehors des bûches qui ont été introduites récemment et partout, dans la France, effectivement, il y a quand même les traditions locales. Joie à Saint-Michel, il faisait une tarte aux amandes. Oui, une tarte aux amandes, qui était quand même un dessert particulier. Bon, il y a jusque quand même ici dans le Vaucluse, jusqu'au Luberon, je crois que c'est le Luberon qui fait à peu près limite, les fougasses à l'huile. Oui, mais ici, non. Ici, ça ne se faisait pas, il n'y avait pas du tout ça. Non. On avait la fougasse à l'huile, mais alors on l'achetait chez le boulanger. Mais toute l'année. Oui, toute l'année. Oui. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas de fougasse alors. À la sauce tomate, hein. La seule fougasse que je connaissais, c'est celle-là. Oui. Fougasse à l'huile aussi. Oui. Au sucre, alors. Oui. Ensuite, alors, le gâteau des rois, alors, existe depuis longtemps, je l'ai. Ah, le gâteau des rois, il existe depuis longtemps. Ah, oui. Alors, chez nous, c'est en forme de brioche, vous voyez. Alors, oui. Oui. En ronde. Oui. Alors, ça, j'en suis sûr, parce que lorsque j'étais gosse, à l'école, On jouait les centons, ce qu'on avait trouvé, vous savez, les petits centons dans le... Non. Oui. Alors, donc, chaque fois qu'on avait un centon, on le gardait, puis après, le sujet, je trouvais le sujet. Et on mettait des fèves dedans aussi? Ah oui, toujours une fève et le centon. Mm-hmm. Il n'y avait pas la couronne, il y avait pas la couronne, il n'y avait pas. Et les cadeaux des rois se faisaient jusqu'à la chandeleur aussi? En gros, ben, ou ça durait moins longtemps, ça faisait uniquement pour les rois? Non, ça durait un peu plus, peut-être moins longtemps que maintenant, oui.